Dans l'entre-deux-guerres, la physique est en pleine révolution épistémologique, la biologie moléculaire voit de plus en plus petits les structures du vivant, mais les mathématiques en France, depuis la disparition d'Henri Poincaré en 1912, sont peu ou prou au point mort, empêtrées dans un héritage formel qui peine à se renouveler. C'est à cette époque qu'un groupe de jeunes gens décide de tout remettre à plat, inventer un nouveau formalisme sur la base d'un bon traité d'analyse qui transformera en profondeur la discipline, et ce à plusieurs conditions, l'anonymat, la jeunesse mais aussi l'humour. C'est ainsi que naît entre l'Auvergne et Paris Nicolas Bourbaki, un prête-nom qui va produire l'excellence mathématique française du XXe siècle. Bourbaki, le cercle des mathématiciens disparus, c'est le programme révolutionnaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette histoire de Bourbaki, comment il vécu, comment il est mort ou pas d'ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Brouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur émérite à l'Université Paris Diderot et directeur de l'Institut Poincaré entre 1999 et 2009. Et nous devrions être rejoints dans les minutes qui viennent par Pierre Cartier, mathématicien, membre de Bourbaki de 1955 à 1983 et directeur de recherche émérite au CNRS, visiteur permanent à l'IHES. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct, et vous êtes plus en plus nombreux à nous suivre en direct, donc nous sommes heureux, sur les ondes de France Culture, mais également en replay, en différé sur le site franceculture.fr et en podcast via votre application préférée. Alors, eh bien, nous allons tenter de répondre tout au long de cette heure à la question de qui était, et peut-être même encore qui est, ce Nicolas Bourbaki, cette personnalité, ce prête-nom qui cache un grand nombre de mathématiciens brillants. Écoutez la réponse qu'apportait à cette question en 1952 le mathématicien André Lichnerowitz, qui était professeur au Collège de France. L'une des plus illustres équipes mathématiques françaises qui rayonne sur l'Europe et même sur d'autres continents est celle connue sous le pseudonyme collectif de Bourbaki. Elle fut créée au long des années 30 par un groupe de normaliens dont Henri Cartan, Jean Dieudonné, André Weil sont les plus notables, et n'a cessé de recruter de jeunes mathématiciens pour former une équipe très unie. Sa contribution au prestige des mathématiques françaises est importante. L'œuvre de Bourbaki consiste surtout en un traité qui progresse peu à peu et qui vise à axiomatiser l'ensemble des mathématiques, retrouvant, à travers un langage commun, l'unité profonde de cette science. L'élaboration du traité s'est faite à travers de nombreuses séances de travail où la solitude du mathématicien s'est trouvée remplacée par une chaude atmosphère de camaraderie. Certains trouvent cette camaraderie parfois un peu exclusive. Sur le plan strictement scientifique, il peut être reproché à Bourbaki de favoriser une tendance vers la recherche hyper pure et de contribuer parfois à détourner les jeunes de l'étude des interactions avec le concret. Voilà, la tendance vers la recherche hyper pure de Bourbaki qui détournerait les jeunes de la recherche concrète, de la recherche appliquée. Je salue Pierre Cartier qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous, Pierre Cartier, je vous représente. Vous êtes un ancien membre de Bourbaki entre 1955 et 1983. On écoutait André Lichnerowitz qui présentait justement ce groupe Bourbaki en 1952. Peut-être Michel Brouet, vous qui avez entendu cette archive en entier, un mot, une réaction à cette archive en 52? Oh bon, Lichnerowitz n'était pas membre de Bourbaki. Oui, c'est ça. Enfin bon, il n'était pas. On passera en revue l'ensemble des reproches faits à Bourbaki. Il est indéniable que pendant des années, l'influence de Bourbaki, à travers l'influence que les Bourbakistes avaient à l'école normale, a très certainement pas emmener, disons, les jeunes vers les mathématiques dites appliquées, qui, les mathématiciens appliqués le lui reprochent souvent, étaient parfois méprisés par certains membres de Bourbaki. Mais ça ne nous a pas empêché de se développer exactement à la même époque. Exactement. peut-être, Pierre Cartier, quel est le point de départ de Bourbaki, ou peut-être la situation générale des mathématiques en France au sortir de la Première Guerre? Je le disais dans l'introduction, Poincaré est mort depuis longtemps, il est mort en 1912. En face, en Allemagne, en revanche, la concurrence est rude avec l'élaboration de cette université à Göttingen, dont on parlait d'ailleurs ici la semaine dernière à propos de la Slotissa, qui réunit beaucoup, pas seulement de mathématiciens, de scientifiques en Europe. En France, c'est plus compliqué. Il y a eu d'abord la guerre de 14 qui est le massacre. Vous n'avez qu'à aller à la Sorbonne ou d'autres endroits, regarder le monument aux morts, et vous verrez des générations entières qui ont été massacrées. Bon. Alors les Allemands, on dit que les Allemands étaient plus prudents et qu'ils ont plus protégé leurs valeurs intellectuelles plutôt que de les envoyer au front. C'était sans doute en partie l'esprit égalitaire français, la dérive de l'esprit égalitaire français. Bon, alors il y avait ça. Il y avait effectivement que toute une génération avait disparu, celle qui était emmenée par Poincaré. Il y avait encore des gens de la même époque, bon, Émile Borel ou d'autres, bon, qui ont continué à jouer un rôle important. Mais il y avait quand même une certaine rupture dans les sujets étudiés et surtout un grand vide au niveau de la nouvelle génération. Bon, alors. Vous avez parlé de Göttingen. À l'époque, Göttingen, c'était le foyer mondial des mathématiques. Le nec plus ultra. Ah oui. On ne peut pas mentionner Göttingen sans mentionner le nom de Hilbert, qui lui a survécu. Que David Hilbert, voilà. qui lui a survécu à la Première Guerre mondiale. Et d'une certaine façon, c'est une des différences. La grande boucherie avait décimé probablement la France, l'Angleterre presque, l'Allemagne. Presque autant que la France. Mmh. Mais par contre, Hilbert, son entre-gens, son prestige, son habilité à mobiliser les jeunes a fait beaucoup pour. Alors vous disiez tout à l'heure, Nicolas Martin, vous disiez la concurrence était rude. Non, il n'y avait pas concurrence, il y avait attraction, oui, plus que concurrence. Oui. Les mathématiciens sont pas concurrents, les mathématiciens ne sont pas nationalistes. Pas trop. En général, pas trop. En général, pas trop. Pas du tout. Non. Pas du tout. Et on fait remonter, et vous allez m'en parler d'ailleurs, de la naissance de Bourbaki à 1935, mais le point de départ, la graine de laquelle Bourbaki va germer, c'est un peu plus tôt, André Veil et Henri Cartan, dès décembre 1934, Pierre Cartier, dans le Quartier Latin, on commence à poser un peu les jalons de cette envie de se réunir, de refonder les mathématiques. Bon, celui qui est vraiment l'inspirateur de tout ça, c'est André Veil. D'ailleurs, bon, dans la série que publiée par Le Monde, là, chaque semaine, cette semaine, c'est un volume sur André Veil, donc c'est bienvenu. Et qui est bien fait. J'ai eu le temps de le lire avant de venir. Donc, André Veil, c'est lui qui, d'abord, c'est lui qui était peut-être le plus aventureux. Parce que il est allé à Göttingen, mais il était allé aussi à Rome. Il a fait passer plusieurs années en Inde. Donc c'était peut-être le plus aventureux et le plus sans doute l'esprit le plus ouvert et le plus universel. Bon, et la légende, enfin ce qui a été colporté par André Veil lui-même, c'est que quand il s'est retrouvé avec son camarade Henri Cartan, tous les deux jeunes débutants, enseignants mathématiques débutants à Strasbourg. Il se posait des questions sur la manière d'enseigner ceci ou cela, ce qui est normal. Et Cartan répétait toujours, mais comment tu fais ceci, comment tu fais cela, enfin, etc. Et Veil lui aurait répondu, écoute, on va se réunir une fois pour toutes avec un certain nombre de gens et on fixera le curriculum pour 25 ans. Et après nous, bon, on n'aura plus à se poser ces questions-là. On va les résoudre. Initialement, c'était un projet pédagogique. Michel Brouet. Oui, initialement, ça s'appelait d'ailleurs, il voulait écrire un traité d'analyse. Oui, traité d'analyse. Traité d'analyse pour faciliter l'enseignement d'analyse dont ils étaient chargés à gauche, à droite. Oui, oui. Et puis en quelques mois, vous avez mentionné à juste titre à la fin de l'année 34, où ils se réunissaient dans ce restaurant qui s'appelait alors le Capoulade. Le Capoulade, oui. À l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflou. En quelques mois, ce projet est devenu petit à petit, mais assez rapidement, autre chose. Ils ont commencé par... réaliser que pour écrire un traité d'analyse, fallait remonter plus haut, traiter les bases, etc. Et dès le premier congrès de fondation de Bourbaki, ça avait déjà une toute autre ampleur. Et au fur et à mesure que les années passaient, l'ampleur est devenue de plus en plus grande. Et ça s'est transformé en ce fameux élément de mathématiques, mathématiques au singulier. Et initialement, il y avait ce qu'ils appelaient le bloc abstrait ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'était des chapitres préliminaires avant de se lancer dans le vrai travail, c'est-à-dire de couvrir ce qui était le calcul différentiel intégral de l'époque et qui est toujours d'ailleurs enseigné à ce niveau-là. Et ils avaient le bloc abstrait ou je sais plus comment s'appelle. Le bloc abstrait. Oui. Et au fur et à mesure, paquet abstrait. Le paquet abstrait. Au fur et à mesure, il a grossi. grossi. Et il a fini par envahir tout. Pourquoi cette qu'on essaie de comprendre un peu l'état justement de l'avancement de la recherche en mathématiques dans ces années-là, au début des années 30, pourquoi est-ce qu'il était important ou urgent, peut-être urgent, de refonder les mathématiques pour ces membres fondateurs de Bourbaki, Michel Brouet? C'était moins urgent pour les Allemands qui bénéficiaient de l'influence de Hilbert. Tu connais, Georges Marchais avait découvert un mathématicien qui s'appelait Gilbert. Quoi? Et alors? Gilbert, parce que les Russes avaient le H aspiré en... D'accord. J'y étais plus du tout. D'accord. Gilbert. Ça, c'était Marché. Il y avait donc David Gilbert. Bon, ouais. David Gilbert. Alors, il y avait en Allemagne, en effet, l'influence de Hilbert, et ça fantastique. Ce que, au fond, à l'époque, on a appelé l'algébrisation de l'ensemble des mathématiques. D'ailleurs, Laurent Schwartz, qui était quand même d'abord et avant tout un analyste, disait qu'il était le plus algébriste des analystes, et que Bourbaki avait algébrisé la vision. Alors, bon, il y avait donc cet état de fait en France, qui, il faut aussi mentionner quelque chose que les Bourbaki jeunes ont vigoureusement combattu, c'est-à-dire l'espèce de mandarinat, au sens péjoratif du terme, de l'université française. On attribue toujours à l'université allemande la tare du mandarinat, mais les Français n'avaient vraiment rien à leur envier à l'époque. Et puis vous avez brièvement mentionné dans votre introduction le renouvellement, je voudrais placer ça dans un cadre plus général quand même, parce que dans cette première partie, ce premier tiers du XXe siècle, premier tiers d'horreur, de drame épouvantable, du stalinisme au nazisme, des horreurs qui ont fondé toutes les horreurs du XXe siècle, il y a eu en même temps, et ça n'est pas un paradoxe, un bouleversement complet de la pensée, de la science, de la culture, de l'art. Parce que oui, il y a eu Bourbaki à partir de 34-35, mais il y a eu le cubisme juste avant-guerre, où, c'était des grands peintres très connus qui, ne signaient pas leurs œuvres. Braque et Picasso ne signaient pas leurs œuvres, par exemple. Il y a eu, bien sûr, la mécanique quantique, mais il y a eu aussi le dodécaphonisme. Il y a eu aussi le surréalisme, qui s'est retrouvé de temps en temps dans les rapports avec Bourbaki. Il y a eu le structuralisme, et là, on va retrouver des rapports entre Lévi-Strauss et Bourbaki, plus précisément, et André Weil. Donc, il y avait, au milieu de ce bordel de barbarie, il y avait un renouvellement qui était une espèce de protection de la pensée, une prise de distance avec l'ambiance dominante. Pierre Cartier. À titre anecdotique, je peux citer, quand mon frère était à la Cité universitaire, et moi, enfin, j'étais pas très loin, on avait fait un petit spectacle où on lisait en alternance le manifeste de Dada et l'introduction de Bourbaki. Ben voilà. on avait notre petit succès avec notre petit spectacle. Alors les neuf membres fondateurs sont donc Claude Chevalet, Jean Dieudonné, René de Possel, Charles Eresmann, Henri Cartan, Jean Coulon, Jean Delsarte, Solem Mandelbrot, qui était le seul étranger, et André Weil. Vous dites, Michel Brouet, dans l'article que vous avez consacré à l'histoire de Bourbaki, que de ces neuf membres, il y en a surtout quatre qui sont peut-être les plus importants, les plus... Cinq, en général, on n'en tient cinq. On en rajoute Delsarte, il est mort plus tôt que les autres. Mais oui, c'était... Non, Delsarte a joué un rôle différent. Il était le secrétaire, l'intendant, l'économe de l'affaire. Et il avait un grand talent d'organisateur. Il était à une position très, très installée à Nancy. Non seulement il enseignait au département de mathématiques, mais dans diverses écoles d'ingénieurs, c'est important. Et c'est lui, quand il s'agit de créer un secrétariat, enfin tout ça, c'est lui qui avait pris ça en main. Mais ce qu'on connaît le plus, disons, ce sont en effet, ordre complètement arbitraire, André Weil, Henri Cartan, Jean Dieudonné et Claude Chevalet, qui fut mon directeur de thèse avant sa mort. Et alors la question évidemment que beaucoup de monde se pose, pourquoi, d'où vient ce nom? Alors il y a différentes histoires, mais je vous propose d'écouter l'explication de l'un des membres fondateurs, André Weil, en 1988 sur France Culture. Alors, on s'est dit, il faut trouver un prénom pour Bourbaki. Nous avions l'impression et l'illusion que ce nom avait un petit air russe. On s'est dit, Nicolas, ça ferait pas mal, mais on mettra seulement l'initiale N, ce qui avait un certain sel pour nous, parce qu'à l'époque, sur les affiches semestrielles de la Sorbonne, les affiches de cours, on indiquait pour chaque matière le nom du professeur, monsieur un tel professeur, et lorsque un professeur avait quitté ou était absent, remplaçant. Qu'on ne connaissait pas son remplaçant, on mettait Monsieur N, professeur. Alors on a pensé que N Bourbaki, ça serait très bien. Alors c'est pas du tout André Veil, c'est Henri Cartan. Une réaction à ces nombreuses légendes autour de la création, du choix en tout cas du nom de Bourbaki, Pierre Cartier. Oh, c'était un canular au départ. Bon, initialement, enfin, le premier épisode qu'on connaît, c'est que André Veil, quand il était en Inde, il l'a redit plusieurs fois, il a publié une petite note pédagogique, mais bon, c'était pas à la hauteur de ce qu'il publiait d'habitude. Donc, dans je ne sais quelle revue indienne de troisième niveau, il a publié une note pédagogique qu'il a signée Bourbaki. Bourbaki, parce que le nom faisait partie du folklore de l'école normale. Bourbaki, il a existé un vrai Bourbaki. Ah bah, bien sûr. Jean-Denis Bourbaki. Général de Napoléon III, oui. Et qui se faisait brocarder parce que, disait-on, il avait perdu son armée. C'est pas vrai. Il a dû se réfugier en Suisse où son armée a été désarmée. Ce qui n'était pas très glorieux pour un général. Enfin, il y avait un vrai Bourbaki, mais il ne s'appelait pas Nicolas. D'ailleurs. Qui avait dirigé les Normaliens pendant la guerre de 70. Oui. D'ailleurs, N Bourbaki, il ne s'est pas tout de suite appelé Nicolas. Il s'appelait d'abord Bourbaki ou N Bourbaki, comme l'expliquait Cartan. Ouais. Il s'appelait Nicolas quand il a fallu lui trouver un prénom pour écrire une note à l'Académie des sciences. Et là, on a inventé de l'appeler Bourbaki. Ouais. Alors, bon, à propos du côté anecdotique, Jean Delsarte, qui était donc un des fondateurs, ça a été mobilisé sur la ligne Maginot en 39. Et bon, à un moment donné, sa compagnie a fait retraite le long de la frontière suisse. Et il s'amusait toujours qu'un de ses soldats est venu lui dire « Capitaine, on est l'armée de Bourbaki La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de Bourbaki, de ce groupe de mathématiciens qui ont refondé à leur manière les mathématiques, ou en tout cas le socle mathématique en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. Nous en parlons avec Pierre Cartier, ex-membre de Bourbaki, et Michel Brouet. L'expression de mettre de l'ordre dans les mathématiques, c'est une expression de Jean Dieudonné. C'est une archive, cette fois-ci c'est bien lui, c'était dans Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot en juin 87. Nous sommes arrivés à une époque où il fallait mettre de l'ordre dans les richesses qui avaient été accumulées depuis plus d'un siècle en mathématiques. Nous n'avons rien inventé de nouveau. Nous sommes simplement mornés à essayer de mettre en ordre les résultats et les principes qui avaient été établis, disons, de 1800 à 1930. C'est à ça que s'est voué le groupe Bourbaki, qui continue d'ailleurs. Oui. Nous sommes à la quatrième génération. Oui, à 50 ans, on est exclu du groupe. Pas exclu, si vous voulez, on se retire volontairement. Oui, parce qu'on... Pour une raison excellente, c'est que... Non, disons pas, n'allons pas jusque-là. Ah. Mais, si vous voulez, on est attaché plutôt à ce qu'on a appris étant plus jeune. Et comme dans Bourbaki, on avait toujours le désir de présenter les mathématiques les plus récentes sous leur forme la plus évoluée, eh bien, l'homme d'un certain âge a tendance à renâcler devant cette nécessité. Il se tient à ce qu'il a appris quand il était plus jeune. Et alors ça, c'est très mauvais, parce que c'était contre le principe même. Et ça aurait créé des difficultés sans nombre si nous avions insisté pour continuer indéfiniment. Mais vous savez, c'est un peu comme pour les champions de sport. À 30 ans, parfois, il faut qu'ils renoncent. Eh bien, nous, vers 55-60, en général, il faut renoncer à être encore un créateur véritable. Jean Dieudonné, chez Bernard Pivot, en 87, votre réaction, Pierre Cartier? Sauf que Dieudonné contredit exactement ce qu'il affirme, parce que Dieudonné est resté extrêmement actif et extrêmement ouvert jusqu'à la fin. Il est mort à 80 et quelques, et 6 mois avant sa mort, il publie encore un dernier volume de ses... Bon, Dieudonné est un personnage extraordinaire. Bourbaki n'aurait pas existé sans lui, c'est-à-dire sa puissance de travail et son esprit synthétique. Il avait un esprit encyclopédique et synthétique. Bon, il faut quand même se rendre compte que Dieudonné, bon, pratiquement jusque vers 1955 ou 56, chaque page imprimée, la version finale, portait sa marque. Et il avait écrit des versions préliminaires en pagaille. Bon, ça portait sa marque. Bon. Et alors, en plus, bon, après avoir quitté Bourbaki vers 50 ans, comme il l'a dit d'ailleurs, bon, pas tout à fait exactement, enfin presque, et il s'est mis au service de son disciple Grothendieck. Et il y a eu des milliers de pages écrites sous la signature conjointe de Grothendieck et de Dieudonné. Mais bon, Grothendieck fournissait un brouillon et Dieudonné transformait ça en un manuel ou un livre, bon, ou un article. Bon. Et en plus, à la fin, quand sa collaboration avec Grothendieck a cessé après les années 70, il s'est mis à écrire des livres sous son propre nom. Et il y en a dans les bibliothèques, vous trouverez encore, et pour un débutant dans certains domaines, pas un débutant, pour quelqu'un qui doit enseigner aux débutants, parce que ce sont plutôt des livres du maître que des livres pour l'étudiant. Même un très bon étudiant a du mal à suivre. Mais c'est quand même bon. Or, il avait 80 ans passés à cette époque-là, quand il a signé ses derniers livres. Donc, je dirais aussi que Dieudonné est peut-être un peu modeste, ce qui pourrait. Il était très modeste dans cette déclaration que nous venons d'entendre, parce que en mettant de l'ordre, bon, ça c'est l'expression de Dieudonné. Chevalet n'aurait pas employé cette expression, non. Mais peu importe. En écrivant ce traité, Bourbaki a trouvé des choses. Importer des choses nouvelles, non seulement des notions, sûr, des outils, sûr, mais des théorèmes. Et aujourd'hui, on le pratique quotidiennement, d'aller chercher dans Bourbaki ou dans des exercices, des choses qui ne sont, des exercices de Bourbaki, des choses qui ne sont nulle part ailleurs. Oui. Donc il est très modeste en disant qu'il n'a fait que mettre de l'ordre dans les choses qui étaient connues. C'est beaucoup plus important que ça. Hein. Non, mais Dieudonné était un personnage très modeste. Par exemple, à 65 ans, quand il a quitté l'Institut des hautes études qu'il avait fondé avec Grothendieck, il a dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fondé une nouvelle université. À 65 ans, il part à discret, une nouvelle université. Et au bout de 5 ans, il fait l'accueil du Congrès mondial des mathématiques de l'année. Un mot tout de même sur cette génération, ce recrutement. Pierre Cartier, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu comment, puisque on entendait tout à l'heure dans la première archive Lichnerowitz qui disait que Bourbaki avait détourné les jeunes des mathématiques concrètes. Comment est-ce que vous vous êtes fait détourner, vous? C'est Henri Cartan qui vous a fait rentrer. Comment ça se passait? Dans le vivier de l'école normale, on a épuisé, on vous est passé des espèces de tests? Oui et non. Je veux dire, bon, dès la première année, je suivais Cartan, il avait les cours qui étaient pour les élèves, puis il avait aussi d'autres activités, des séminaires, etc., des cours plus avancés. Bon, j'ai suivi ça dès le début, et mon introduction a été faite par un autre personnage, c'est Samuel Eilenberg, qui était Smart Sammy Polish Prodigy, c'est-à-dire un de ces mathématiciens polonais que le nazisme avait chassé, l'antisémitisme nazisme avait chassé, un homme pour qui j'ai une énorme admiration. C'est lui qui a créé la théorie des catégories. Bon, or, Sammy comme nous l'appelions, venait de passer l'année à Paris il avait été invité pour passer l'année à Paris. Donc, non seulement il animait une partie du séminaire Cartan, mais il avait son propre cours. Bon, et j'avais lié amitié avec lui, il avait beaucoup d'estime pour moi. Et donc, c'est lui qui a dit à Cartan, mais bon, on devrait quand même essayer Cartier. J'avais 19 ans à l'époque, donc c'était, selon les règles, il n'était pas question de me recruter directement, bien sûr. Mais enfin bon, on voulait me tester. Bon, on n'a pas fait passer l'examen, simplement on m'a invité à une réunion, puis on a vu comment je réagissais, avec le petit défaut que j'ai d'être parfois trop bavard. C'était parfait pour la radio, donc on va pas s'en plaindre. D'ailleurs, tu étais qualifié de bavard. Ah oui. Serre était qualifié de frivole, oui. Et toi tu étais qualifié de bavard. Oui. On s'était amusé un jour à nous donner chacun des qualificatifs. Voilà. Peut-être on va parler un peu de mathématiques, alors c'est toujours un peu... complexe de parler de mathématiques à la radio parce que ça manque, on a souvent besoin peut-être plus de soutien, etc. Mais tout de même, quelle critique formulait les Bourbaki, Michel Brouet, sur l'enseignement des mathématiques pour avoir le désir de les refonder? On parle d'émiettement en spécialité devenue étanche, on parle de mandarina, comme vous l'évoquiez aussi, sur le plan pédagogique, scientifique. Bien sûr. Mais il y avait aussi la manière d'écrire les mathématiques. J'ai trouvé dans un article qu'a écrit Michel Audin, qui est mathématicienne, écrivaine, fille par ailleurs du mathématicien assassiné Maurice Audin. Oui. Et je veux lire ce qu'elle écrit parce que c'est parfaitement exact. Elle écrit à propos de l'influence de Bourbaki. On pouvait énoncer, à l'époque, et démontrer un théorème, puis sur la même page, ajouter une remarque disant « ce théorème n'est pas toujours vrai ». Ceci est aujourd'hui impensable, je l'ai testé sur mes étudiants de licence. Un théorème est formé d'hypothèses et d'une conclusion, une démonstration permet de déduire la dernière des premières, de sorte qu'un théorème que l'on a démontré est toujours vrai. Et aujourd'hui, les étudiants n'accepteraient pas qu'on fasse les cours qu'on faisait à l'époque où Bourbaki s'est constitué. Oh, donc oui. Il y a eu aussi cette espèce de révolte et d'exigence de rigueur. Oui. qu'a apporté Bourbaki, indépendamment, encore une fois, de la saignée de la guerre, de l'influence de Hilbert, de la disparition de Brancard. Il y avait aussi ça, il y avait aussi cette exigence de rigueur et de construction solide. Voilà. Pierre Cartier. J'ajoute que, bon, que les programmes étaient complètement désuets. Dans un problème, dans un sujet qui n'est pas les mathématiques proprement dites, mais tout à fait relié, la mécanique quantique base de la physique d'aujourd'hui n'a été enseignée pour la première fois en France officiellement qu'en 64. Pas à la Sorbonne, à Saclay. Messia, qui a publié un manuel à partir de ses cours, il y avait un bus spécial qui partait de la Sorbonne à 1h moins le quart et qui arrivait à Saclay à 2h pour suivre toute l'après-midi le cours de Messia. Donc, et je me souviens que bon, le premier cours de physique générale, comme ça s'appelait à l'époque, que j'ai subi à la Sorbonne, il y a eu un avertissement dès le premier cours. Messieurs, il a oublié les quelques filles qui étaient là, elles n'étaient pas très nombreuses, c'est vrai. Messieurs, ce que certains, en ricanant, appellent hypothèse atomique, 5 ans après Hiroshima, n'a aucune place ici. Bon, faut se rendre compte qu'il y avait un retard. Bon, même le meilleur manuel qui existait à l'époque en physique, qui était le Bruat, c'était Bruat. Il y a le père et le fils. Bon, enfin, bon, le fils a été aussi connu. Bon, le père était le directeur de l'école normale. Et bon, c'était un physicien tout à fait compétent. Mais son cours est un cours du 18e siècle ou du 19e siècle, pas un cours du 20e siècle. La grande révolution de Planck, la loi du corps noir, s'est résumée en 10 lignes en petits caractères. Cela dit, ce que vous évoquiez, la séparation étanche entre diverses tranches des mathématiques, était aussi valable entre les mathématiques et le reste de l'activité scientifique, et s'applique aussi, paradoxalement, à André Weil, qui a fait plusieurs séjours à Göttingen au moment où il éclatait la mécanique quantique, et il écrit lui-même « Ils étaient en train d'accoucher la physique quantique, il est assez remarquable que je n'en ai pas eu le moindre soupçon ». Donc il y avait une certaine tradition d'étanchéité quand même que Bourbaki, même le plus prestigieux d'entre eux, n'a pas complètement rompu. Oui, d'ailleurs, je n'allais pas dire que j'ai eu des conflits, mais enfin c'était quand même un petit peu hétérodoxe à l'intérieur du groupe, justement en insistant sur les liens avec la physique, de notre époque. Alors justement sur ce grand œuvre de Bourbaki que vont devenir les éléments de mathématiques, sur cette volonté de rédiger un traité d'analyse, comment est-ce que s'organise ce comité de rédaction? Comment est-ce quand on est plusieurs mathématiciens brillants qui plus est, chacun dans sa spécialité, comment est-ce que s'organisait ce comité de rédaction? Pierre Cartier, est-ce qu'il y avait une méthode, il y avait je crois une méthode particulière oui, de rédaction? Elle était encore valable 30 ans après quand je suis entré dans le groupe, puisque je suis entré définitivement dans le groupe en 55. Bon. Et bon, elle était encore valable, c'est-à-dire que l'idée était que on désignait à un moment donné, quand on voulait s'intéresser à un sujet nouveau, on choisissait celui qui était peut-être le plus compétent, ou en tout cas qui était prêt à devenir le plus compétent, et on lui demandait de faire ce qu'on appelait un rapport, c'est-à-dire une description d'ensemble, sans entrer dans tous les détails, d'un sujet. Bon. Et ensuite, à partir de là, ce rapport a été discuté, bon, on essayait à partir de là de fabriquer un plan, bon, si on avait accepté, on l'acceptait ou on l'acceptait pas, si on l'acceptait, on essayait de fabriquer un plan qui suivrait plus ou moins ça, et ensuite, la règle, c'est que successivement, toute une série de rédacteurs seraient nommés. Bon, alors après celui qui avait fait le rapport initial, à la fin, on lui disait bon, souvent on avait complètement déchiré son travail. On nommait un premier qui faisait parfois un contre-rapport, d'ailleurs, parfois un contre-rapport, parfois une première contribution. Et puis c'était lu en public et à haute voix dans les réunions du groupe de manière peu aimable, parfois peu aimable. Et bon, pas douce, disons. Pas douce. Et ça continuait. Et il y a eu comme ça un certain nombre de... Bon, en plus, en cours de route, le point de vue général pouvait se modifier. Il y avait quelqu'un qui avait une idée. Mais non, on s'est complètement égaré. Il faut reprendre tout ça. Bon, ben fais-le. Et ça a été... Claude Chevalet était assez fort pour ce genre de choses. Il critiquait tout. Il critiquait très fort les rédactions, en fait. Bon, il disait, fais la prochaine. Et alors, bon, que le procédé converge, c'était pas évident. En fait, c'était la puissance tutélaire de Dieudonné qui faisait converger tout ça. Parce que Dieudonné gardait, lui, lui avait une vue très synthétique et il gardait les perspectives. Il disait, faut quand même qu'on avance, faut quand même qu'on débouche. Et en plus, lui, alors, il avec sa puissance de travail, à un moment donné, il disait, bon, ben, laissez-moi le faire la prochaine version. Et en général, bon, il y avait déjà eu suffisamment de discussions internes, de préparatifs, et Dieudonné avait une capacité de rédaction extrêmement, tout à fait extraordinaire. Et en général, quand Dieudonné était passé là-dessus, on dit bon, ben ça va. Ce qui va expliquer d'ailleurs que l'ambition initiale qui était de produire ce traité d'analyse complet en 3 ans va finalement se diluer complètement dans le temps, hein, puisque les premiers fascicules ne sont publiés qu'au bout de 4-5 ans. Peut-être un mot, Michel Brouet, du coup, avec cette diversité des caractère, comme on l'entend, puis on reparlera de l'humour dans quelques instants, mais cette diversité des voix, cette diversité des approches, comment est-ce qu'on arrive au final à ce qu'on va appeler le style Bourbaki, parce qu'il y a un style Bourbaki. Oui, on peut plaisanter. Certains me disaient, Chevalet disait que de temps en temps, Chevalet m'avait dit que la rédaction qui restait, c'était celle qui résistait à l'épuisement. Hein, parce que on jetait à la poubelle 10 rédactions, et la 11e, on la gardait parce qu'on n'en pouvait plus. Bon, il exagère un peu. Hein, il y a du progrès aussi. Mais ce que je voudrais, avant de répondre à votre question, je voudrais insister sur ce point quand même. Ces gens-là étaient, pour l'essentiel, voire pour l'énorme majorité d'entre eux, des mathématiciens de tout premier plan international. Chacun aura à son actif une œuvre considérable. Et ils ont pourtant consacré des heures, des semaines, des mois, des années à un travail, au fond, de service public international. C'est comme ça que je vois Bourbaki. C'est vraiment un service public international. C'est tout à fait étonnant, service public international dans lequel leur apport, leurs efforts sont restés obturés, cachés, occultés par l'anonymat. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. L'honneur de l'esprit humain dont on parle parfois à propos de Bourbaki, je trouve qu'il est vraiment là. Pierre Cartier. Je dois dire que dans les 30 ans à peu près, les 30 ans que j'ai passé dans le groupe Bourbaki, un tiers à un quart de mon activité scientifique était consacré au groupe. Un tiers, un quart. Non seulement on avait des réunions qui duraient en gros un mois et demi par an, des réunions globales, mais bon, il y avait tout le travail préliminaire. Et je dois dire que bon, j'étais un de ceux qui corrigeait les épreuves au bout du compte. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Je bois de Boris Vian, non pas parce que nous supposons que les mathématiciens de Bourbaki buvaient abondamment, ça peut-être Pierre Cartier pourra nous le dire. Parce que oui, dans ces grandes réunions des comités de rédaction du traité d'analyse, il y avait peut-être un peu de liqueur qui circulait de temps en temps. Il y avait les bouteilles de cognac qui étaient là, en permanence. Puisque à 16h35 sur France Culture, nous parlons donc de Bourbaki, Nicolas Bourbaki, ce prête-nom qui a regroupé quelques-uns des mathématiciens les plus brillants, des mathématiciens français les plus brillants de la deuxième moitié du XXe siècle. Nous en parlons avec Pierre Cartier, qui est mathématicien, ancien membre de Bourbaki de 55 à 83. Et quelques étrangers aussi, absolument. Et avec Michel Brouet, qui est mathématicien, professeur émérite à l'université Paris Diderot et directeur de l'Institut Poincaré de 99 à 2009. Alors, on s'était arrêté justement à cette question du style Bourbaki, parce qu'on parle du style Bourbaki. Notre camarade Roger Mansuy vient de mettre quelques pages justement de Bourbaki sur le fil Twitter @laméthodefc pour qu'on puisse le lire, pour que vous puissiez en témoigner. Comment vous le décririez déjà, ce style, Pierre Cartier? Comment est-ce qu'il finissait par se retrouver, ce style, malgré la diversité des plumes derrière Bourbaki? Aucune concession. C'était ça la première caractéristique. C'est-à-dire que la préface de l'ensemble du traité dit « Ce traité prend les mathématiques à leur début et donne des démonstrations complètes, c'est-à-dire en autarcie complète. » Bon, et ça, c'est un programme qui a été largement respecté, je veux dire. Bon, que parfois, qui était tempéré par l'existence, à côté du texte principal, d'un certain nombre de petites notices qui s'appelaient notes historiques, enfin qui ont été reprises dans un volume, et qui étaient essentiellement de la prose d'André Weil. Et d'ailleurs, la création de cette partie du traité ne suivait pas les règles standards, parce que André Weil ou Chevalet ou quelques-uns qui étaient intéressés à l'histoire des mathématiques écrivaient quelque chose, on le faisait circuler, mais sans passer au moule habituel. Le style, je veux dire, c'était sans concession, je veux dire, absolument sans concession. Oui, mais avec plaisir quand même. Je veux dire, si tu lis la correspondance de Cartan et de Weil, tu verras avec, il se passe la langue sur les babines en évoquant une remarque vraiment typiquement bourbachique. Oui. Ça leur faisait plaisir. Et c'est agréable au lecteur, hein. C'est souvent, il est de bon ton, il est habituel de trouver très aride, illisible, Bourbaki, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire certains chapitres, à lire certaines pages. Voilà. Évidemment, on le prend pas du premier tome au dernier, ça c'est sûr. Non. Mais il y a des, la rigueur, la précision et engendre, parce que c'était fait par ces gens-là, la beauté, et la beauté, ça fait plaisir. Et la beauté, c'est le style, non? Certainement, entre autres, peut-être l'une des composantes. En tout cas, on note souvent, on lit beaucoup que Bourbaki était très très lié, intriqué à un sens de l'humour particulier. Ah oui. On disait de Bourbaki aux deux visages, un visage public de rigueur et d'impressionnante ambition scientifique et un visage privé de rigolade et d'autodérision. C'était très joyeux, nos rencontres. C'était très joyeux. Bon, en plus, on avait la chance que les conflits d'égo entre nous étaient relativement minimes. Je dis pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais enfin, ils étaient quand même très très minimisés. Et d'ailleurs, quand il y en a eu qui auraient pu faire déraper vers les conflits d'égo, ils sont partis d'eux-mêmes. Bon. Donc, il y avait un humour fou. Il y avait tout un folklore de plaisanterie. Il suffisait de dire le premier mot, tout le monde éclatait de rire parce qu'on connaissait tous la suite. Non, c'était des réunions très très joyeuses, hein, très très joyeuses. Pas du tout. Et en plus, le cognac était là aussi. Alors, la règle, c'était que quand on arrivait à la fin d'un chapitre, enfin d'un projet comme ça, on buvait un armagnac pour fêter la fin d'un travail. Oui, vous avez dit aux deux visages, ce que moi-même j'ai écrit, mais je suis pas sûr que ce soit aux deux visages, Bourbaki aux deux visages, le rigoureux d'un côté et le rigolard de l'autre. Et, moi, je crois que c'était plutôt l'imbrication indispensable de la joie de vivre et de penser bien, Et la nécessité de créer pour découvrir. C'était indispensable. Ouais. Il fallait aussi rigoler pour s'infliger une telle rigueur. Ah oui, ça c'est. Et il fallait pouvoir rigoler de la rigueur. Et il fallait pouvoir prendre du plaisir. Et Dieu sait qu'ils en prenaient. Oui. Donc je crois que c'est indissociable, en fait, cette histoire de. C'est pas vraiment deux visages. Ils étaient vraiment comme ça. Et l'auto-contrainte qu'ils s'infligeaient, qu'on évoquait tout à l'heure, par ces rédactions successives, successivement foutues à la poubelle, cette auto-contrainte n'aurait pas été respirable. S'il n'y avait pas eu le mot pour la tempérer. Parlons un peu de ces éléments de mathématiques au singulier. Pourquoi d'ailleurs mathématiques au singulier, Pierre Cartier? Pourquoi c'était important que mathématiques reste au singulier? Je veux dire, traditionnellement, on parlait des sciences mathématiques. Des sciences mathématiques. Les divers chapitres, ce qui était géométrie, etc., c'était les. Chacun était une science mathématique, il y avait des sciences mathématiques. Et l'exigence de les unifier n'était pas toujours présente. L'exigence n'est pas toujours présente. Par exemple, il y a eu un conflit extrêmement long en géométrie entre les méthodes algébriques issues de Descartes et les méthodes purement synthétiques qui en fait étaient l'héritage de d'Euclide avant. C'était pas clair que c'était la même science. C'est-à-dire, il y avait deux. Chaque approche, chaque stratégie était vue comme quelque chose de différent. Donc, l'idée d'André Weil, c'est qu'il y a une seule mathématique avec des problèmes qui sont les mêmes pour toutes les parties des mathématiques et une méthode qui est univalente. Ça, c'était point important. Michel Brouet. Oui, et c'est aussi ça qui est la base de la créativité extraordinaire des certains membres de Bourbaki. C'est ce que dans d'autres cercles on appelle leur culture. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'appliquer des méthodes d'un endroit des mathématiques à d'autres endroits des mathématiques, de faire des liens qui sont extrêmement fertiles. Oui. Ça c'est le. Et pas évident. C'est le talent de base, c'est la qualité de base de Bourbaki qui fait son importance. Oui. Le premier fascicule, le fascicule des résultats de la théorie des ensembles, est publié en 1939, suivra en 1940 les deux premiers chapitres de la topologie générale, le premier chapitre de l'algèbre en 1942, et puis au fur et à mesure, ces fascicules vont être publiés à échéance régulière. Quelle est la réception de ces premiers fascicules, Pierre Cartier? Comment est-ce que c'est accueilli dans la communauté mathématique française, puis internationale? Bon, je vais peut-être donner mon témoignage personnel. Bien sûr. Bon, mais je veux dire... Je dois dire que j'avais un parrain qui était professeur Henri IV, de grec d'ailleurs, pas du tout de mathématiques, qui a une grosse influence sur moi. Et je me souviens qu'à je ne sais plus quelle occasion, il voulait me faire un beau cadeau. Et il m'emmène chez rue de la Sorbonne aux éditions. C'était pas Hermann. Non, c'était comment ça s'appelle? Il y a deux frères là, le frère qui avait une boutique, qui avait des boutiques de. Bon, alors il m'emmène dans la boutique, au moment où il était vers 2 heures de l'après-midi, il me laisse entre les mains du libraire. Et il lui murmure quelque chose à l'oreille en partant. Et puis il s'excuse, j'ai mes potaches à Henri IV qui m'attendent, je peux pas être en retard. Je reviendrai vers 4-5 heures. Bon, il s'en va. Et alors, le libraire a passé avec un gamin de quoi j'avais 16 ans à l'époque, un gamin de 16 ans. Il a passé 2 heures. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est la topologie? Alors, il a été chercher les volumes, les divers volumes, etc. Je me souviens qu'à un moment donné, il m'a dit, mais il y a aussi Bourbaki. Donc, un libraire qui était au courant, ça c'était en 47 ou quelque chose comme ça, un libraire qui était au courant savait que Bourbaki existait. Et donc, quand mon parrain est revenu, il y avait une pile comme ça de livres, et mon parrain a sorti le chèque qui correspondait exactement au montant des livres. Ce qu'il avait murmuré à l'oreille du libraire, alors je paierai tant. Alors, le libraire, avec un gamin de 15 ou 16 ans, avait passé l'après-midi à accumuler les choses pour leur intérêt et en fonction de l'argent qui était attribué à ça. Bon, donc, je veux dire, c'était pas ignoré. Et à la sortie, quand j'ai présenté tout ça à mon parrain, il m'a dit, mon parrain avait été un camarade d'études de Simone Veil. Donc voilà, bon, pour situer les choses. Bon, sœur d'Alain Veil. Voilà. D'André. La sœur d'André Veil. J'aurais dû l'appeler. Bon. Alors, évidemment, les anecdotes sur son caractère complètement farfelu Bon, mais enfin, c'est un autre sujet. Et alors donc, bon, ben, il m'a dit, écoute, là, il t'a donné un bon conseil, parce que Bourbaki, tu sais que c'est André Veil, le frère de ma copine Simone. Copine, non, il disait pas ça, enfin, bon. Michel Bourbet, sur la réception des travaux de Bourbaki, du début jusque, finalement, à ce qui serait un peu l'acmé de Bourbaki au début des années 60, peut-être. Ça continue, hein, ça continue. Il y a un volume qui est paru en 2016. Et Cartier devrait pouvoir vous dire ce secret qu'il a encore des épreuves à corriger. J'ai des épreuves à corriger pour un volume qui sera paru, je pense, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. C'est pas fini, tiens, je saisis cette occasion, pardon de pas directement répondre à votre question, pour dire que dans les activités de Bourbaki, on va sans doute en parler, il y a le séminaire Bourbaki. On va y venir. Et Bourbaki, s'était inventé dans les années, juste avant la guerre, une fille qui s'appelait Betty, dont on avait évoqué le mariage avec un certain Hector Pétard. Ouais. On ne savait rien de sa mère, mais il avait une fille. Et voilà que depuis un an se tient, les vendredis précédents le séminaire Bourbaki, dont on va parler, se tient un séminaire Betty B. Et Betty B, c'est la petite fille de la fille de Bourbaki, donc c'est l'arrière-petite fille de Bourbaki. Et le séminaire Betty B a donné son nom au compte Twitter, parce que Bourbaki maintenant a un compte Twitter. Il n'est pas fini, Bourbaki. Il vit, il se renouvelle, il est in. Et pourtant, alors non, parlons, parce qu'on va avant de parler de son acte de décès, parce qu'il y a tout de même eu un acte de décès en 68 de Bourbaki. Il faut en parler. Mais avant ça, parlons des séminaires, peut-être, Michel Brouet, parce qu'effectivement, à partir de 48 débutent les séminaires Bourbaki, et c'est certainement ces séminaires qui ont aussi beaucoup fait pour la renommée internationale du groupe. Oui. Donc les séminaires, grosso modo, ça se réunit trois fois par an. Maintenant 4. Bon, d'accord. Il y en a un les 18 et 19 janvier, c'est pour ça qu'on fait l'émission. C'est demain et après-demain. Demain, voilà. Il y a le séminaire Betty B, et samedi, dimanche, voilà. Aujourd'hui, c'est 4 fois un jour, alors qu'autrefois, c'était 3 fois 3 jours. Bon. La fonction du séminaire Bourbaki consiste toujours à faire exposer, en général, par quelqu'un qui n'est pas l'auteur de ces travaux, d'exposer des travaux novateurs, importants, etc. Et c'est une ambition généraliste. Donner un exposé au séminaire Bourbaki, pour celui qui le fait, est très certainement un honneur, une reconnaissance. Pour certains, c'est stressant et c'est très important. Et on se déplace pour écouter, pour assister au séminaire Bourbaki de toute la France, mais aussi de l'Europe, parfois des États-Unis, lorsque l'orateur. Mais enfin, c'est incontestablement un événement qui est la liste des exposés du séminaire Bourbaki est publiée à chaque occasion. Et certainement un coup d'œil à l'ensemble de ces publications depuis le temps que ça existe donne une idée assez précise de ce qu'a été l'évolution des mathématiques, de ce qui a été important, de ce qui a été novateur. L'ensemble des mathématiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand même. Donc le séminaire Bourbaki est très certainement une référence internationale sur le fonctionnement. Il y a à peu près 1200 publications pour l'instant. Pierre Cartier, sur le séminaire Bourbaki. Oui, justement. Initialement, ça se réunissait trois fois pour trois jours par an. Bon, plus pour des raisons. Bon, en même temps, à l'époque où la société mathématique n'existait pas, à la fin des années 40, c'était l'occasion pour tous les mathématiciens français de se réunir. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que l'activité. Les après-midi étaient réservés aux exposés scientifiques. Mais la matinée était réservée à diverses activités politiques, syndicales ou politiques, d'ailleurs. On a tenu des assemblées du comité des mathématiciens. Oui, Et donc, mais à l'époque, je veux dire, venir de province, venir de Strasbourg, c'était 6 heures de train, c'est pas 1h30 de TGV comme aujourd'hui, bien sûr. Venir de Lyon, c'est la même chose. Donc, c'était en gros la réunion. Une société mathématique n'existait pratiquement pas à l'époque, où elle avait très peu d'activités, très peu de relais. Bon, donc ça jouait ce rôle fédérateur. Et en plus, l'idée, c'était justement, c'est vrai, sur les 1200 et quelques exposés qui ont été publiés, si on regarde le cheminement, on voit apparaître chaque fois les nouveautés importantes. Bon, Grothendieck, par exemple, lui-même a fait un certain nombre d'interventions. Avant même de publier sous son nom un certain nombre de choses, il les a exposées là. Et d'ailleurs, puisqu'on vous évoquait le compte Twitter @Betty_Bourbaki avec deux T, Betty, le camarade Roger Mansuy vient de mettre ça sur le fil Twitter de l'émission La Méthode Scientifique. Mais puisqu'on parle des séminaires Bourbaki et que les prochains auront donc lieu ce week-end, eh bien, nous sommes allés voir, puisque c'est vrai que Bourbaki, c'est une histoire très masculine, bien, nous sommes allés voir une mathématicienne. Oui. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un peu de féminité dans ce monde de mathématiciens masculins. Vous êtes allé à la rencontre justement d'une mathématicienne qui expose dans le séminaire Bourbaki ce week-end. Oui, comme vous le dites, pendant très longtemps, le groupe Bourbaki n'a comporté que des hommes. Alors bien sûr, c'était le reflet plus général de l'absence féminine dans la communauté scientifique. Mais aujourd'hui, il y a bien des mathématiciennes qui viennent exposer dans les séminaires Bourbaki, comme Anna Cadoret qui a tenté de m'expliquer le sujet qu'elle va présenter donc ce week-end. La conjecture de Deligne, dite celle des compagnons. Cette conjecture a une longue histoire. Elle remonte à un problème de géométrie arithmétique formulé en 1980 par Pierre Deligne, qui était mathématicien belge et ancien élève de Grothendieck. Moi, je travaille à ce qu'on appelle la géométrie arithmétique. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intersection de la géométrie et de la théorie des nombres. Donc essentiellement, le problème de base, c'est d'essayer de résoudre des équations polynomiales, mais au lieu d'essayer de les résoudre sur des gros corps, comme le corps des réels ou le corps des non-complexes, on fait de la géométrie, on essaye de les résoudre sur des corps qui sont plus petits, mais aussi plus compliqués, comme le corps des nombres rationnels, par exemple. Donc c'est la tentation d'unifier deux champs des mathématiques qui apparemment sont éloignés. Disons qu'on a un peu des problèmes concrets à résoudre ces équations sur ces corps compliqués, et ça met effectivement en jeu des techniques qui viennent de la géométrie complexe, mais aussi donc de la théorie des nombres et aussi de ce qu'on appelle la théorie des représentations. Est-ce que vous pourriez essayer de définir la conjecture de Deligne et dans quelle mesure la conjecture s'inscrit dans cette démarche-là? Donc c'est une conjecture qui répond partiellement, enfin qui est très liée à ces questions de comptage de points, je dirais rationnels, enfin de points rationnels, mais de points entiers plutôt. Hein. Donc en fait, on ne sait pas répondre en général à la question de compter le nombre de points entiers de solution entière d'une équation. Par contre, on a quelque chose de plus abordable, c'est de fixer un nombre premier p et de réduire l'équation modulo p et d'essayer de la résoudre modulo p. Et donc la conjecture des compagnons, elle est liée au problème de la résolution modulo p d'équations polynomiales ou d'un système d'équations. Donc si vous pensez par exemple à quelque chose, à l'équation x carré plus y carré égale z carré. Donc ça, c'est l'équation d'un cercle. Pour z égale 1, si je trace en fait à quoi ressemble... Enfin, si je fixe z, c'est un cercle. Hein, mais sinon, si je fais varier z, ça me donne quelque chose qui est comme ça. Donc les sections, c'est des cercles, mais c'est quelque chose qui ressemble à un sablier infini, si vous voulez. Et donc on s'intéresse aux solutions modulo p de cette surface, au point modulo p de cette surface. Et donc ce qu'on sait faire, c'est qu'on peut se fixer un autre nombre premier auxiliaire, L, et par des méthodes très profondes, on sait construire une fonction qui a priori dépend de L, et qui à un point du cercle, xy, va me donner le nombre de solutions x, y, z, donc le nombre de points sur ma surface avec le x, y fixé et le z qui varie, modulo p. Donc ce qui est miraculeux dans cette construction, c'est que la construction dépend de L, mais à la fin, on a une fonction qui ne dépend pas de L puisqu'elle compte le nombre de points d'une surface qui n'a a priori rien à voir avec L. Et donc on sait faire ça sur chaque L. Et la question que pose la conjecture des compagnons, c'est maintenant, je vais me donner une fonction qui dépend de L. Et donc dans ces espaces de fonctions qui dépendent de L, il y a des fonctions élémentaires à partir desquelles toutes les autres sont construites. Et ce que prédit la conjecture des compagnons, c'est que ces fonctions élémentaires, en fait, elles ne dépendent pas de L. Leurs valeurs sont indépendantes de L. Et si je me suis fixé un L, pour un autre premier L', je vais avoir une autre fonction qui va prendre les mêmes valeurs, et une seule. Donc c'est, en fait, cette autre fonction pour L', c'est le compagnon de la fonction pour L qu'on s'est fixée. Donc en chaque L, on a une famille de compagnons. Et donc ça, c'est la conjecture qui a été démontrée. Mais ce qui est encore un peu frustrant, c'est qu'on ne sait pas... Donc moralement, en fait, ces fonctions, elles viennent de surface comme ça, elles comptent des points de surface, mais on ne sait pas construire les surfaces. Historiquement, quand remonte la preuve de cette conjecture? La preuve s'est étalée sur presque 40 ou 50 ans. C'était la contribution de plusieurs mathématiciens. Oui, bien sûr. Donc, en fait, le premier cas de la conjecture a été démontré avant sa formulation, si vous voulez, hein, en 1978 par Drinfeld, qui donnait un petit bout de la conjecture pour les courbes. Et c'est sans doute ce résultat de Drinfeld qui a donné à Denigne la formulation claire de la conjecture. Donc ensuite, Denigne a formulé cette conjecture en 1980. Ensuite, en 1992, il y a Crewe qui, en utilisant donc, les développements des technologies péadiques, a donné la formulation précise du petit camarade cristallin. En 2000, il y a Laurent Laforgue qui a démontré la correspondance de Langlands en tourant. Donc ça a résolu la conjecture des compagnons pour les courbes, à condition que le premier L soit différent de P. Il a fallu ensuite encore attendre 13-14 ans avant qu'un jeune mathématicien japonais, Tomoyuki Abe, démontre l'analogue du résultat de Laforgue pour le premier L égale P. Donc ça, en fait, ça clôt l'histoire de la conjecture des compagnons pour le cas des courbes. La preuve a été partiellement complétée pour le premier L égale P par Abe Eno et un autre mathématicien, Kedlaya. Ça, c'est très récent, c'est 2016-2017. Et c'est un peu un scoop, mais ce même mathématicien Kedlaya a annoncé le 29 décembre dernier la clôture de la preuve. En fait, il manquait, partant d'un premier L différent de P, hein, on ne savait pas encore construire le compagnon péadique, et ça, il annonce. Donc on sait pas, ça n'a pas encore été vérifié, cette annonce, mais voilà. Donc il y a vraiment deux parties dans la preuve, le cas des courbes, qui est d'une certaine façon assez satisfaisante. On voit presque apparaître ce motif caché dans la preuve. Et le cas de dimension supérieure qui est d'une certaine façon plus artisanale. L'idée, c'est de se ramener par des méthodes géométriques au cas des courbes. Mais dans le cas de la dimension supérieure, on ne sait pas du tout, le motif, il apparaît pas du tout. Il reste complètement mystérieux. Donc on pourrait dire que ça serait l'étape d'après. Maintenant qu'on sait que cette conjecture est vraie, est-ce qu'on est capable d'exhiber des motifs qui correspondent à ses compagnons? Ça, c'est sans doute une question extrêmement difficile. Un certain nombre de chercheurs ont sûrement ça en tête, quelque part. La conjecture des compagnons par Anna Cadoret, qui sera donc ce week-end au séminaire Bourbaki. Peut-être une réaction en quelques mots, Pierre Cartier. C'est toujours le charme de faire des mathématiques à la radio, c'est-à-dire oui. Sans support visuel. C'est oui. Que quand les mathématiques sont déjà un peu ardues, quand on n'a pas forcément... Visuel, même avec support visuel. Mais non, mais c'est intéressant. Non, mais je veux dire, bon, il y a tout ça, elle le mentionne implicitement, elle parle de motifs. En fait, il y a derrière tout ça, ça n'est que... La dernière vague d'une théorie beaucoup plus profonde que Grothendieck a postulée sans la construire. Parce que c'est ce qu'on appelle les motifs. Motifs, alors bon, pourquoi motifs? Bon, parce que ça motive d'une part, et d'autre part, c'est l'idée du motif musical. Il avait les deux à la fois. C'est quelque chose qui va vous motiver et c'est quelque chose qui revient comme un motif musical. Bon, alors ça c'est le Graal, c'est un des Graals des mathématiques en arithmétique et en géométrie actuellement. On en est très loin malgré d'immenses progrès, dont par exemple le regretté Voyevodsky qui a fait avancer pas mal les choses, mais enfin on est encore très très loin. Justement. Qui est censé approcher les motifs, qui est censé expliquer ce qu'elle évoquait dans son, oui. C'est-à-dire on a des trucs. Pour calculer un certain nombre de points, pour calculer ouais. Un certain nombre de choses, avec le choix d'un nombre premier. Oui. Et le résultat du calcul semble ne pas dépendre de ce choix du nombre premier. En fait, semble. On est tous persuadés qu'il n'en dépend pas, oui, on le sait. Chaque fois qu'on fait le calcul, il n'en dépend pas. Parfois même on triche, on fait comme si on savait bien que ça n'en dépend pas. Mais on ne sait pas le démontrer, et c'est ça qui est là derrière. Et elle tourne autour de ça. Voilà. Donc ce sont des enjeux extrêmement lourds, et dont on est encore loin de la résolution. Alors, ça sera expliqué demain au séminaire Betty B. Du moins, les préliminaires seront expliqués demain au séminaire Betty B pour rendre ça plus abordable. Je voudrais juste prendre 30 secondes pour râler un petit peu, puisqu'on est à la radio, profitons-en. Bourbaki n'a pas besoin de grand-chose, mais enfin, il fait son séminaire. Il avait besoin d'une secrétaire pour... Qui a fonctionné merveilleusement pendant 30 ans. Il avait besoin d'un bureau. Et voilà que les autorités... Alors, je n'ai pas envie d'accuser qui que ce soit, mais ou alors accusons tout le monde, lui ont retiré son bureau et ne lui... Il n'y a même pas de place pour mettre les archives. Ne lui accorde même pas une secrétaire. Donc, je ne voudrais pas comparer l'activité productrice pour l'humanité de Carlos Ghosn et de Bourbaki, mais enfin, il y a quelque chose de parfaitement scandaleux. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de Bourbaki. Les séminaires, c'est à l'Institut Henri Poincaré. On va vous mettre évidemment tous les liens, les renseignements sur le fil Twitter de l'émission @lamedavc. Merci beaucoup Pierre Cartier. Merci beaucoup Michel Brouet d'être venu nous parler de Bourbaki. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, eh bien, c'est la diffusion du forum que nous avons enregistré samedi dernier dans le Grand Amphithéâtre théâtre de la Sorbonne, premier forum de l'année vu par les savoirs de France Culture. Il y était question de l'adaptation au réchauffement climatique. Nous avons posé la question de comment la science se prépare à vivre dans un monde à plus de 2 degrés. Voilà, réponse demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.